Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons pour le sixième cours de la traduction de la série Ismul Jalala alladhi yukhawwifu Allahu bihi 'ibada. Le nom sublime par lequel Allah effraie ses serviteurs du Cheikh Salah ad-Din Abu Arafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous avons lu le nom d'Allah Ar-Rahman dans le Coran et nous avons entendu et nous avons parcouru le livre d'Allah est un bayan étonnant du livre. Et le plus étonnant, c'est que les gens, quand ils entendent le nom Ar-Rahman, pensent encore que ce nom est un nom de miséricorde, de Rahman. Mais nous avons détaillé dans les cours précédents, et avec pour preuve le livre, que cela ne convient pas et n'est pas correct. Et Ar-Rahman est un nom par lequel Allah effraie ses serviteurs, effraie ses esclaves. Et il les oblige, il contraint ses esclaves par ce nom, Ar-Rahman, à l'adorer et à se prosterner pour lui. Et nous avons vu que ce nom est le plus en droit des noms d'Allah dans la royauté. Ne voyez-vous pas que Al-Ali, l'élevé, a dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Ar-Rahman s'est établi sur le trône. Et il a dit. Et il n'a pas dit, subhanahu, il n'a pas dit Al-Ali, Al-Kabir, Al-Jabbar, Al-Malik, Al-Malik. Il n'a pas dit c'est l'élevé, c'est le grand, c'est le contraignant, c'est le roi, c'est le possesseur qui s'établit. Non, il a dit Ar-Rahman qui s'est établi sur le trône. Et pourtant, ces noms font tous partie des noms d'Allah dans le livre. Mais il a dit Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Le Rahman s'est établi sur le trône. Et nous avons détaillé cela. Et nous avons vu les prophètes d'Allah, alayhim salat wa salam, qui sont les créatures qui connaissent le mieux Allah, effrayer leur peuple par Ar-Rahman. Et nous avons vu Ibrahim, alayhi wa ala nabiyina salat wa salam, effrayer son père par Ar-Rahman, lorsqu'il dit « Ya abati » Inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-Rahman. Ô mon père, j'ai peur qu'un châtiment du Rahman ne t'atteigne. Et Allah aussi, subhanahu wa ta'ala, dit, et ceci est superbe dans le livre, il dit Al-mulku yawma idhin lillah. La royauté en ce jour est à Allah. Parlant du jour dernier. La royauté en ce jour est à Allah. Al-mulku yawma idhin lillah. Mais lorsqu'il a dit que la royauté est à Ar-Rahman, il a dit Al-mulku yawma idhin il-haq lir-Rahman. La royauté en vérité ce jour-là est à Ar-Rahman. Il a rajouté en vérité. C'est-à-dire qu'il a rendu encore plus fort le fait que la royauté en ce jour soit à Ar-Rahman. Et la suite, c'est quoi? Et c'est un jour dur pour les mécréants. Et pourquoi il est dur, ce jour pour les mécréants? Parce que Ar-Rahman a la royauté. Si Ar-Rahman était le tout miséricordieux, ce jour n'aurait été dur pour personne, vu que c'est à lui que va la royauté en ce jour. Mais non, Ar-Rahman, ce n'est pas cela. Et nous avons détaillé cela auparavant. Et j'ai vu quand les gens arrivent à ce nom, ils disent ce nom fil-loura, fil-loura. Alors que normalement on dit el-lisen, la langue, on dit el-lisen, pas el-loura. Et ils disent un tel a dit cela, et un tel a dit cela, et un autre a dit que, comme ceci. Mais mon frère, ne lisez-vous pas le livre 75 fois? Allah utilise son nom Ar-Rahman dans le Coran. Ne lisez-vous pas? Lisez! Je me suis donc demandé, n'ont-ils pas vu ce qu'Allah a dit dans Surat Yassin? Allah dit, innama tunziru, tu ne fais que prévenir. Il a dit tunziru, il n'a pas dit tubashiru, il n'a pas dit annoncer ou faire la bonne annonce. Il a dit prévenir, mettre en garde. Tunzir, ce qui est de la peur ou de l'espoir, mettre en garde. C'est de la peur. Innama tunziru man ittaba'a dhikr. Celui qui a suivi le rappel. Wa khashya ar-Rahman. Et qui a craint ar-Rahman. Mais comment ça, craindre Ar-Rahman? Tu ne crains pas Ar-Rahim, tu ne crains pas le miséricordieux, Ar-Raouf, le doux, Al-Wadoud, le bienfaisant. Non, tu crains Al-Aziz, le puissant. Tu crains Al-Kabir, le grand. Allah dit, Ud'u Rabbakum khawfan wa tama'a. Invoquez votre Seigneur par peur et espoir. Donc, les noms qui font peur, c'est par exemple aussi Al-Intiqab, celui qui possède la capacité de châtier. Al-Qawi, le fort. Et on a espoir, comme on a dit dans Ar-Ra'ouf, Ar-Rahim, le doux, le miséricordieux. Al-Wahhab, celui qui octroie. Ar-Razaq, celui qui donne les subsistances. C'est ainsi, n'est-ce pas, mes frères? Et Allah dit, donc, dans sourate Yassine, Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashya ar-Rahman. Tu ne fais que mettre en garde, prévenir celui qui suit le rappel et qui craint ar-Rahman. Je me suis dit, ne sont-ils donc pas passés par là, par celle-ci? Ou quand dans sourate Al-Qaf, Al-Alim, le savant, Allah subhanahu tabarak asmuh, gloire à son nom, dit Man khashya ar-Rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Celui qui a craint ar-Rahman, malgré qu'il ne le voit pas, et qui sera venu avec un cœur repentant. Donc, qui a craint ar-Rahman. Écoute, écoute ce qu'il dit, subhanahu. يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu plein? Et il dira, est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y a de à rajouter encore? Tout cela est donc effrayant. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Et le paradis sera rapproché pour ceux qui ont craint al-muttaqin ghayra ba'id, et elle ne sera pas loin, et il ne sera pas loin le paradis. Ceci est ce que l'on vous promet, et ce que l'on promet pour tout repentant. Hafiz, protecteur. C'est-à-dire, protecteur, c'est-à-dire celui qui s'est protégé de la désobéissance d'Allah. Celui qui s'est protégé lui-même de la désobéissance d'Allah. Est-ce clair? Et cela, ce sens de Hafiz, a des preuves dans le livre. Écoutez la suite. Man khashiya ar-Rahman bil-ghayb. Celui qui a craint ar-Rahman, malgré qu'il ne le voit pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle à craindre qui? Il t'appelle à craindre Ar-Rahman. Celle-ci n'était pas entre les mains des gens qu'Allah nous appelle à craindre Ar-Rahman. Les gens ne l'ont-ils pas lu? Comme nous avons dit, ils disent un tel a dit et un autre a dit. Et encore plus étonnant, certains ont dit que Ar-Rahman est un nom à la base en dehors de la langue arabe, non arabe. Ils disent que ça vient d'un mot rahman, rahman, et que les Arabes l'ont employé, l'ont arabisé. Vous savez, quand on regarde dans le Coran, on trouve que dans ce qu'Allah dit à son sujet, dans la création, l'ordre, la gérance, la descente, dans ce qu'il fait descendre, dans la grandeur, il donne tout cela, il le donne à Ar-Rahman. Allah dit, Allah était Ar-Rahman. Allah était Ar-Rahman. Était Ar-Rahman avant qu'il y ait les non-arabes, les A'jami. Et il était Ar-Rahman avant qu'il y ait les Arabes. Et ce nom, Rahman, que les Arabes ont arabisé, même si un ignorant disait cela, même si un ignorant disait que le nom d'Allah Ar-Rahman vient d'une langue étrangère et que les Arabes l'ont employé, ce serait une honte pour quelqu'un dont on pense qu'il a la science d'écrire cela dans les lignes des gens de science. Cette parole a sa place à la poubelle, que le nom Ar-Rahman vient d'une langue non arabe. C'est une honte de penser cela. Et les noms d'Allah ne méritent pas que l'on pense cela d'eux. Est-ce clair, mes frères? Ce nom étranger, Ar-Rahman, c'est-à-dire que Nabi, sallallahu alayhi wa alayhi, l'a pris des fous étrangers. Bien. Donc on a un frère qui a fait un effort et qui a réuni dans une feuille cela. Allah dit, Al-mulku yawma idhin lillah. Al-mulku yawma idhin lillah. Et Al-mulku yawma idhin il-haq lir-Rahman. La royauté en ce jour est à Allah. La royauté en vérité ce jour est à Allah. Est à Ar-Rahman, pardon. Et Allah dit, Usjudu lillah. Usjudu lir-Rahman. Prosternez-vous à Allah, pour Allah. Prosternez-vous pour Ar-Rahman. Et nous avons vu et détaillé que le sujoud, la prosternation, n'est que pour quelqu'un de grand et d'élevé. On ne se prosterne pas pour celui que les gens ne craignent pas. Et dans Surat Yassin, le croyant dit, et Allah nous a rapporté ses dires, « In yuridni ar-Rahman bidur » Si Ar-Rahman me veut un mal. Attends, est-ce que le Rahim, le très miséricordieux, te voudrait un mal? Non, c'est le Qawi, l'Aziz, qui peut vouloir cela. Donc il est clair que le croyant de Yassin savait ce qu'était Ar-Rahman et que ce n'était pas et ce n'est pas ce que les gens pensent. Et Allah dit aussi, il dit bidhikrillah ou li dhikrillah. Bidhikrillah pardon. Et dit par le rappel d'Allah. Et dit bidhikri Ar-Rahman par le rappel de Ar-Rahman et an dhikri rabbihim par le rappel au sujet du rappel de leur Seigneur. Donc il réunit Allah, Ar-Rahman et Ar-Rab, le Seigneur. Ce sont les noms élevés. Et nous avons détaillé que lorsque Sulayman, et vous ne connaissez pas Sulayman, il n'est pas comme Youssouf. Et dans chacun, il y a le bien. Youssouf est tel que vous savez, un homme à qui il a été donné la moitié de la beauté. Youssouf, Asif, triste. Sulayman, lorsqu'il a passé en revue les oiseaux et qu'il n'a pas vu la huppe, il dit La u'adhibannahu 'adaban shadida aw la adhbahannahu. Je vais certes le châtier d'un dur châtiment. Je vais certes le châtier d'un dur châtiment ou je vais l'égorger. As-tu vu comment il parle, comment il pense, comment il réfléchit? C'est un roi en armure avec son armée. Quand il envoie la lettre à la reine de Saba, elle dit « Innahu min Sulayman » Cette lettre vient de Sulayman. Et « Wa innahu bismillahirrahmanirrahim » Et il débute par « Bismillahirrahmanirrahim » Ensuite, il prépara une armée. Ensuite, après avoir fait cela, Sulayman prépara une armée contre elle. Elle aurait pu lui dire, tu m'as envoyé au nom de Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pourquoi m'envoies-tu une armée? Mais non, il était clair que Sulayman a envoyé, Bismillah, écoute, Bismillah, Ar-Rahman, celui que tu dois craindre, Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui dans lequel tu dois espérer. Bismillah, Ar-Rahman. Celui que tu dois craindre, Ar-Rahim, celui dans lequel tu dois espérer. Soit choisissez ce que vous voulez, soit Ar-Rahim et on vous donnera, soit ce sera l'ordre de Ar-Rahman et vous serez anéanti. Est-ce clair? Et nous avons déjà détaillé cela. Et dans Surat Zukhruf, Allah dit, فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا Demande à ceux que nous avons envoyés avant toi parmi nos prophètes. Écoute bien, écoute. C'est clair ici que nous avons parlé d'une base de la religion, d'une base qu'il y a chez tous les prophètes. أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Est-ce que nous avons donné en dehors de Ar-Rahman une divinité à adorer. Donc Allah met en opposition Ar-Rahman avec les divinités Et la ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Écoute, et la divinité est une base. Toi, tu, c'est le fait de dire ilah. Toi, tu es seigneur sur tes enfants. Tu es rab sur tes enfants. Et le berger est seigneur, rab, sur son troupeau, comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais al-ilah, Allah ne l'a dit à personne d'autre que lui-même. Et cela ne convient à personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ar-Rahman est le nom de la divinité, celui qui est sur le trône, le Seigneur qui est sur le trône. Et celle-ci est surprenante. Sabbihu Ar-Rahman wa majjiduhu, glorifiez Ar-Rahman. Le Coran, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran se confirme l'un l'autre. Il y a une partie du Coran confirme une autre partie, et ainsi de suite. Et nous avons trouvé deux versets se ressemblant. L'une dans sourate An-Nahl, la sourate des abeilles, que l'on connaissait dans les premiers temps de l'islam sous le nom de An-Ni'am, les bienfaits aussi. Elle a comme nom aussi les bienfaits. Et toutes les paroles dedans concernent les bienfaits qu'Allah nous a octroyés. Et l'autre verset dans sourate Tabarak, sourate Al-Mulk, la sourate de la royauté. Écoute donc, dans sourate An-Nahl, les abeilles, An-Ni'am, donc qui est connu sous le nom An-Ni'am aussi, les bienfaits, Allah dit أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Donc ici, un nom de ces noms élevés, il a utilisé un nom de ces noms élevés, lequel il a utilisé Allah. Donc dans sourate Mulk, dans sourate Tabarak, la royauté, Allah dit: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ. N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour? Seul Ar-Rahman les soutient. Donc dans sourate Mulk, sourate la royauté, quel nom il a utilisé? Sourate, il a utilisé le nom de Ar-Rahman. Dans sourate Ni'am, les bienfaits, il s'est nommé Allah. Et dans sourate la royauté, il s'est nommé Ar-Rahman. Regardez le verset qui suit. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ. Qui est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir, de vous secourir en dehors contre de Ar-Rahman? Il effraie donc les mécréants par quoi? Par qui? Par Ar-Rahman. Donc forcément, ce nom fait partie de ces noms de grandeur, d'honneur, de royauté et de ces noms effrayants. La sourate, c'est la sourate, la royauté. Uzkurullah, rappelez-vous d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc c'était le sixième cours. Barakallahu fikum de votre écoute. Et n'oubliez pas dans vos doigts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.